pesanga yo kangai yo kangai tata nazo ebisa mokeli na ilo konyo so sale to sakai mokeli mai mai eto sio mokeli zamba hey na mabele na mpunda eto sayo bonga imoto Basali kokende kofuna mowe Hey Nato kufi Mokeli osimi kaka seke yo Hey Mawe iba se kwa kio Kote bakuta na kina bomoy Bomoy Hey bomoy Kose kwisaka bakufi mokeli Omela kaliwa Ata nation Ezanga tina Ata nation ezaki sans valeur Nation wana ebisambe ekolo ekomaka pepe na yo olakisa kongo elamba ya sika olakisa mboka na ngai elamba ya sika richesa bakrétie baluba bake buji mai bazwi tiama mokeli katanga bazwi kuivre bangala bake bibale Basi richesse ya misi Na isha bani na bakretia ya biso richesse li yo Yo ba o Heye ko pesa nga bo moy Ay To si la ki ko kuba To si la ki ko bunga Moi, j'ai envie de t'avoir une femme d'amour. Tu t'as tout ton